Bonjour tout le monde et bienvenue aux compilations de chroniques automobiles que je fais tous les jeudis avec mon ami Jean-Benoît Gagné au CILEMF d'Havre-Saint-Pierre. Ça fait un petit bout de temps que j'en avais pas mis en ligne, désolé, petit contretemps. Mais aujourd'hui, je vous présente la chronique numéro 18 et la chronique numéro 19. Dans la chronique numéro 18, on parlait de ma visite au Salon de l'Auto de Montréal. La formation All City avec Shooting Star à CILE. Avec nous, Monsieur Luc Desormeaux. Oui, oui, j'ai du respect pour lui. Monsieur Desormeaux. Salut, Luc. Hey, ça va faire changement. Salut, Jean-Benoît. Ça va bien? Oui, toi. Oui, oui. Non, mais je dis monsieur parce que, tu sais, c'est comme deux en deux que tu t'en vas visiter les salons de l'auto en tant que journaliste accrédité. On rit plus, là. Ouais, ça fait des grosses semaines, par exemple. Je m'attendais peut-être à en avoir un cette année, qui était le Salon de l'Auto de Montréal. Celui de Détroit, c'est comme du bonus. Je m'en attendais pas du tout à celui-là. Puis c'est sûr que ça fait deux salons dans la même semaine. Ça fait du stock à couvrir. Le prochain, c'est Francfort, là, que tu vas être invité, là. C'est ça qu'on vise? Ça me surprendrait bien gros. Je vais plus le suivre de loin, celui-là. Dans les trucs qu'on va jaser cette semaine, il y a entre autres des premières canadiennes, mais aussi une première mondiale. Honda qui a présenté un concept de véhicule, la Gear. Oui, Honda qui est arrivé avec ça. Il y a beaucoup de monde qui se demandait pourquoi Honda choisissait Montréal et non pas Détroit pour présenter une auto en première mondiale. Ça parce qu'on est hot. C'est parce qu'on Pardon? Est hot. Ouais, c'est ça. Mais surtout que le Salon de Détroit, c'est comme la même semaine, fait que ça aurait été facile pour Honda de présenter ça là-bas. Peut-être qu'il avait peur aussi d'être comme enseveli par toutes les autres premières mondiales, mais Honda a l'air d'avoir un petit penchant pour Montréal. C'est ce que le représentant d'Honda a dit ici. Fait qu'ils ont présenté la Gear qui est un petit peu ce que pourrait être la prochaine génération de la Civic Hatchback, la Civic à haillons que tout le monde aimerait voir revenir, que presque tout le monde conduisait dans les années 90 et début 2000. Donc, c'est un modèle qui a été, ça a été dit par Honda, c'est un modèle qui sera pas commercialisé. C'est vraiment une étude de style et aussi, c'est surtout pour voir la réaction des gens. Beaucoup de ces modèles-là sont faits pour tâter le pouls du public, voir si on présente ça puis le monde reste froid, ben on va s'en aller vers d'autres choses. Si on présente ça puis le monde font wow, ben là, ils continuent à travailler un peu sur ce projet-là. Donc, ça serait pas surprenant de voir un modèle basé là-dessus dans peut-être 3 à 5 ans. Mais ça sera pas pour tout de suite. Puis probablement que le nom Gear sera pas utilisé non plus si jamais ça arrive. Oui, je l'ai regardé. Il y a des trucs intéressants, mais d'autres qui, pour moi, cadrent pas. Mais tu sais, il y a de quoi à faire avec ça, là. Et ça, c'est souvent, de toute façon, des études de style et des concepts comme ça, c'est rare que ça a exactement le même design un coup que ça vient sur les routes. Souvent, c'est retouché. C'est un peu moins flyé. C'est un peu plus sobre. Donc, c'est sûr, certain que c'est une étude de style. Il y a probablement certaines lignes qui resteraient si l'auto serait développée. Mais c'est sûr que ça ressemblera pas à ça totalement, là, si un jour ça sort sur les routes. Là, c'est un peu trop exagéré comme design. Ouais, c'est un peu fuselé. On dirait presque une balle de fusil. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, là. C'est très d'un bout pointu à derrière carré, là. Ouais. C'est un peu le look que ça donne, effectivement. Là. Mais ça a beaucoup un look Honda, la calandre un peu pointue, puis tout ça. Là. Donc, il y a des choses qu'on reconnaît dans les Honda présentes, mais c'est comme élaboré pour le futur. Mais comme je dis, ça sera pas commercialisé, donc c'est vraiment Honda a donné un grand coup, veulent montrer ça, voir comment les gens réagissent. Puis après ça, ils vont s'adapter selon les réactions qu'ils voient des médias puis du public aussi. Là. Lincoln, eux, ben, en ont profité à Montréal pour présenter la MKZ et la MKZ hybride, une première canadienne. Oui, c'est ça, Ford qui a présenté ça. La MKZ, qui est la version Lincoln de la Ford Fusion, donc un peu plus luxueuse, un peu plus, mais pas plus grosse. C'est vraiment, on reconnaît les lignes de la Fusion quand on regarde l'auto, mais c'est très joli. Moi, j'avais un peu de réticence avec les espèces de grosses grilles qui étaient sur les Lincoln des années passées. Je trouvais ça un peu trop. C'était trop frappant. On voyait juste la grille presque, on voyait pas le restant de l'auto. Tandis que là, c'est vraiment un peu plus sobre. C'est vraiment très, très jolie. Sauf que c'est une voiture qui, même si elle est basée sur la plateforme de la Fusion, a un moteur différent. C'est qu'on peut avoir aussi le moteur 2 litres turbo compressé d'un moteur 4 cylindres qui donne 240 chevaux. Mais la Lincoln va avoir quelque chose que la Fusion n'a pas, qui est un moteur V6 de 3,7 litres de 300 chevaux. Donc, c'est probablement le même moteur qu'il y a dans la Ford Mustang. J'ai pas regardé là, vraiment aller jusque-là, mais le moteur de la Mustang, c'est un 3,7 litres qui donne 305. Donc, c'est probablement le même moteur qu'ils ont réussi à greffer dans la nouvelle Lincoln. Ils viennent tous avec une transmission automatique à 6 rapports, sauf pour la version hybride, qu'elle a une transmission CVT, donc une transmission à variation continue. C'est un modèle qui, moi, je trouve très joli. J'espère que ça va aider un peu Lincoln à reprendre du poil de la bête, parce que Lincoln a de la misère un peu depuis quelques années. Peut-être les gens n'aiment pas nécessairement le design, là, mais il y a beaucoup de choses qui s'en viennent pour Lincoln. Lincoln qui va renouveler sa gamme d'ici les prochaines années, puis ils vont essayer de recompétitionner avec Cadillac. Ça va être intéressant à regarder, parce que les designers chez Ford ont beaucoup de talent et d'inspiration dernièrement. Là, je pense que ça va donner des bons résultats. C'est le cas, entre autres, pour la Fiesta qui a été redessinée, je pense que c'est l'année dernière. Et là, bon, on poursuit dans la même veine avec la version 2014 de la Fiesta qui est très jolie. J'aime beaucoup le design. Oui, la nouvelle Fiesta qui a un look un petit peu plus sportif, donc qui va attirer peut-être plus les jeunes. On a redessiné surtout... On dirait qu'elle a les yeux bridés. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire avec les phares avant, là, avec la petite pointe pour le clignotant pour virer à gauche ou à droite, là, pour indiquer de quel côté qu'on vire. On dirait qu'elle a les yeux bridés. Je trouve ça vraiment très, très joli. Mm-hmm. Non, c'est un plus beau look. On a été chercher aussi la nouvelle forme de la grille, comme la Fusion, qui est le nouveau langage de Ford. Donc, c'est cette grille-là à l'avant. On a aussi deux nouvelles versions qui vont être disponibles. Ben, pas deux nouvelles versions, mais un nouveau moteur qui va être disponible, qui va être un petit moteur de 3 cylindres de 1 litre turbo compressé, mais qui va donner 123 chevaux. Puis 148 livres-pieds de couple. Donc, ça va être un moteur qui est quand même assez puissant pour un 3 cylindres. On n'a pas encore les chiffres de consommation, mais Ford prétend que ça va être la voiture la plus qui va consommer le moins d'essence, donc la plus éco-énergétique, à part les hybrides sur le marché. Donc, ça va être intéressant à voir. C'est une mode, hein, on s'en va avec des plus petits moteurs, avec des turbos, pour essayer de consommer moins d'essence, avoir des moteurs, des quatre cylindres aussi puissants que des 6, mais avec la consommation d'un 4. Donc, c'est la nouvelle mode. Puis aussi, on va avoir la nouvelle version suralimentée, la version ST, qui est presque une petite voiture de course, qui va venir avec un moteur 1,6 litres turbo compressé, qui va donner 197 chevaux. Donc, presque 200 chevaux dans une petite voiture comme la Fiesta, ça va être assez intéressant. Les ingénieurs ont travaillé aussi beaucoup sur la tenue de route pour pas envoyer non plus trop de couples aux roues avant, parce que c'est des tractions avant. Puis normalement, mettre beaucoup de couples sur une traction avant, c'est problématique. Ça fait juste, comme on dit, virer de sourd quand on veut partir. Mm-hmm. C'est un peu difficile à avoir des bonnes accélérations. Donc, ils ont travaillé là-dessus. Donc, ça va être très intéressant. J'ai hâte de voir aussi les prix, là. Mais ça va être une voiture qui va être assez probablement attirante pour les jeunes et peut-être un peu moins jeunes. Là. Écoute, moi, là, je suis du genre à aimer beaucoup les hatchbacks. J'aime beaucoup ce genre de design-là. Et non, je trouve qu'elle a de la gueule. Elle m'intéresse beaucoup en termes de dessin. Là, comment est-ce qu'elle est dessinée? Je trouve ça très attrayant. On a fait de quoi de très, très beau chez Ford. Ouais, il y a même des rumeurs, parce que présentement, on peut avoir la Focus ST, qui est la version turbo-compressée de la Focus, qui va jouer dans le territoire de la Volkswagen GTI. Puis on va aussi, supposément, qu'il y a une version de la Fusion en version ST qui serait aussi en développement. Donc, ça pourrait être intéressant, ça aussi. Parlant de jouer dans les plates-bandes, Fiat joue dans les plates-bandes de Mini avec sa Cooper. Ça se ressemble beaucoup. Je vois les images, là, la Fiat 500L 2014. Là, on a été chercher le design avec la couleur de la caisse et le toit qui est d'une autre couleur. Ça ressemble beaucoup à l'inspiration de la Mini. Oui, c'est ça. Ben Fiat, qui quand il est arrivé au Canada puis aux États-Unis, avait dit bon ben là on vous présente la Fiat 500 pour tout de suite, parce que en Europe, bon, Fiat a plusieurs modèles, la Panda qui est un genre de petit SUV, des choses comme ça, un petit VUS. Mais au Canada, on a eu le droit à la 500, puis c'est à peu près tout. On avait la version 500 régulière, la 500C qui est convertie pour convertible, puis on avait la 500 Abarth qui est la version plus sportive, plus vitaminée de l'auto. Là, Fiat, ben Chrysler qui a décidé de nous apporter des nouveaux modèles. Donc, il va y avoir la Fiat 500L qui ressemble beaucoup, comme tu dis, à une Mini Countryman là, qui est plus grosse, qui est plus familiale, qui est beaucoup plus logeable pour des bagages, des choses comme ça, pour partir en vacances. Parce qu'une Fiat 500, la valise n'est pas tellement grande. Là-dedans, là, si on veut partir avec un ou deux enfants en voyage pour une semaine ou deux, là, c'est un petit peu problématique pour mettre les bagages. Tandis que la 500L, c'est vraiment grand. Je l'ai vu au Salon de Montréal. Elle est vraiment belle, est bien dessinée. L'espace de chargement est beaucoup plus grand qu'une Fiat 500. Donc, ça devrait avoir du succès ici. J'ai hâte de voir les prix aussi. J'ai pas nécessairement eu les prix. Donc, j'ai hâte de voir si ça va être proche des prix de la Mini ou un peu moins dispendieux, ce qui va attirer plus les gens. Puis, on va aussi avoir la nouvelle Fiat 500C Abarth, donc la version vitaminé de la Fiat 500 sportive, mais en version convertible. Ça, c'est quelque chose qui va être très intéressant parce que, bon, la Fiat convertible, c'était vraiment des Fiat de base. Oui, une Fiat de base, ça a quand même un petit peu de pep, là, mais la Abarth, c'est vraiment autre chose. C'est vraiment fait pour être presque une voiture de course pour la route, là. C'est vraiment vitaminé, c'est vraiment assez assez nerveux comme voiture. Puis d'avoir une version convertible de cette voiture-là, ça va être bien intéressant. Puis, elle était au Salon de l'Auto de Montréal, puis j'ai comme eu un petit faible pour, là. C'est vraiment sexy comme auto, là. Moi, j'ai vraiment un petit faible pour la Fiat 500 convertible. C'est une petite auto, mais je sais pas, même si c'est une voiture qui est calculée peut-être pour être plus féminine ou quelque chose comme ça, la Abarth, c'est vraiment autre chose. Elle a vraiment un look agressif. J'ai vraiment bien aimé. La Abarth, c'est moins pire, mais je trouve vraiment que le museau de la 500L, là, Non, moi, ça fait pas la job. J'aime pas ça, mais ça, les designs, c'est vraiment une question de goût. Si tout le monde avait les mêmes goûts, les autos se ressembleraient toutes. Okay? Exactement. Plus de détails dans le podcast auto, Luc? Oui, on en a parlé un peu sur le dernier podcast auto, l'émission numéro 6, que vous pouvez trouver sur notre nouveau site qui s'appelle podcastauto.ca, finalement. Fait que si vous allez là, vous allez voir toutes les chroniques qu'on a fait ensemble, et plus les podcasts que je fais là, aux deux semaines avec mon ami Steve Degary et mon autre ami Jean-François. Désolé, hey, j'ai eu un blanc matin, c'est pas drôle. Jean-François Beaulieu, donc on fait ça tous les deux semaines, puis on a un nouveau site, tout est là-dessus, puis on va mettre des critiques écrites puis des choses comme ça, là, tranquillement. Parfait. Et sur Twitter, on te suit, bien sûr, @scalazormo, bien entendu. C'est ça, ceux qui ça leur tente. Ou à Podcast Auto aussi pour le site du Podcast Auto. Parfait. Merci beaucoup, Luc. Merci, Jean-Benoît. Bonne semaine. Bye, tout le monde. C'était Luc Desormeaux pour la chronique automobile sur les ondes de la radio. C'est le Salon de l'Auto de Montréal, encore une fois, très intéressant cette année. Et dans la chronique numéro 19, on parlait de Chevrolet qui allait annoncer une Cruze diesel. Ça a été confirmé depuis ce temps-là. Et Daimler, Ford et Renault-Nissan qui joignent leurs forces pour développer une nouvelle technologie. Subaru qui nous présenterait bientôt une nouvelle voiture hybride. Et Kia qui a présenté une voiture à l'effigie de Superman au Salon de l'Automobile de Chicago. Les trois accords, essayez-le avec J'aime ta grand-mère. Il est 7h35 minutes. On s'en va au téléphone pour aller parler avec notre collaborateur Luc Desormeaux du podcast Auto. Salut Luc. Salut Jean-Benoît. Ça va bien? Ça va bien toi? Yes. Question de même, là, avant de commencer, comment ça va les activités du podcast Auto? Parce que là, tu as eu le Salon de l'Auto à Détroit, tu as eu le Salon de l'Auto à Montréal, ça t'a donné beaucoup d'articles, mais là, tu retombes un petit peu d'une phase un peu plus calme. Là. Comment tu vis ça, le calme après la tempête? Ben, y a toujours plein de choses, comme là, tu vois, au début février, le 7 février, ben, aux alentours du 7 février, il va y avoir le Salon de Chicago. Fait qu'il y a toujours comme des c'est la saison des salons de l'auto là. Ça va être assez occupé jusqu'à l'été. Donc il y a toujours des espèces de photos qui sortent à l'avance, puis des rumeurs, puis des choses comme ça. Fait qu'il y a toujours quelque chose dans le monde de l'automobile. C'est un peu comme dans le monde du jeu vidéo. Si tu veux vraiment trouver des nouvelles, c'est à moins que tu te fermes les yeux, tu vas rien voir. C'est sûr que tu vas trouver quelque chose. Puis en plus l'été, toi, c'est la période où est-ce que tu vas faire des tests de voiture. Fait que finalement tu te gardes occupé là. Ouais, c'est ça. Je suis en train de commencer à négocier avec certains constructeurs pour avoir des autos. On devrait avoir un été assez occupé puis assez intéressant. J'ai le goût de faire plusieurs autos électriques cet été pour voir comment ça se comporte pour quelqu'un qui va travailler avec à tous les jours comme moi. Donc, je veux voir ce que ça va donner. Puis aussi des choses un peu moins écologiques aussi, si tout va bien. Bon, ben tant mieux. On suivra ça. Tu nous donneras les confirmations quand tu les auras. Oui. On débute le tour de notre actualité avec la Chevrolet qui nous offre une Cruze diesel bientôt. C'est ça. Chevrolet devrait apporter au Salon de Chicago sa prochaine version de la Cruze qui va être simplement une Cruze diesel. Elle devrait être présentée au Salon de Chicago puis devrait être chez les concessionnaires en avril. Ça, c'est pour les États-Unis. Je sais, normalement, le Canada, on suit pas mal. Donc, j'imagine que ça va être en vente aux États-Unis. Ça va être aussi en vente au Canada parce qu'au Canada, on est un peu moins réticent au diesel que les États-Unis le sont. Donc, c'est quelque chose qui va commencer à être de plus en plus offert. Si on regarde Mazda qui s'en vient avec sa Mazda 6 diesel, il y a Jeep qui s'en vient avec son Grand Cherokee diesel. Donc, le diesel commence à prendre un peu sa place en Amérique du Nord, là, ce qui va être quand même une moyenne bonne nouvelle parce que ça consomme moins. On peut faire plus long sur un réservoir d'essence, mais il y a toujours un peu la polémique sur un diesel pollue. Est-ce que ça pollue plus qu'une voiture à essence régulière? Ça reste toujours à prouver. Avec les nouveaux filtres, ces choses-là, là, c'est beaucoup mieux que c'était. Donc, on voit ce que ça va donner. Ça devrait être assez populaire. Il y a certaines personnes qui vont embarquer là-dedans là, pour un moteur diesel. Tu nous parles d'alliance, là. C'est pas pour le moteur, c'est plus pour les piles. On est en production, en développement d'une nouvelle technologie de piles qui pourrait être intéressante. C'est ça, Daimler, Ford et Renault-Nissan. On parle de trois compagnies parce que Renault-Nissan en Europe, c'est vraiment comme une compagnie. Là, ils font affaire beaucoup ensemble. Ils ont formé une alliance qui va leur permettre de développer une nouvelle technologie de pile à combustible. Donc, les trois compagnies ont signé une entente. Bon, il y avait des rumeurs déjà que ça allait se faire. Donc, ça a été fait cette semaine. Qui vont développer puis créer un système de batterie ou un système de pile à combustible. Donc, c'est des voitures à hydrogène qui fonctionnent hydrogène électrique là, pour une production de masse. Donc, la voiture fonctionnerait avec un système de piles à combustion. Comme je disais, ça utilise un moteur électrique. Puis le moteur électrique est, au lieu comme la Volt, quand la batterie est vide, c'est un moteur à essence qui recharge la batterie. Bon, ben dans le système de piles à combustion, c'est un moteur à hydrogène qui va remplir la batterie, qui va garder la batterie pleine. L'hydrogène est gardé dans un contenant, un réservoir à haute pression, puis il sert de l'air ambiante pour créer l'explosion, parce que ça prend du gaz, ça prend de l'oxygène pour créer une explosion. Mais la beauté d'un système comme ça, c'est tout ce qui sort à l'autre bout dans l'échappement, c'est de l'eau. De l'eau pure, y a pas de gaz, y a pas rien qui peut polluer, c'est vraiment de l'eau qui sort à l'autre bout. Donc, c'est l'hydrogène, les voitures hydrogène, c'est une technologie que ça fait longtemps que les compagnies regardent ça. Mazda, je me rappelle, il y a plusieurs années, des dizaines d'années, au moins 10 à 15 ans, là, il y avait une Mazda Miata qui fonctionnait à l'hydrogène au salon de l'auto. Ça n'a jamais été commercialisé, mais ça fait longtemps que les compagnies regardent ça. C'est juste difficile à mettre sur le marché. Donc, ces trois compagnies-là veulent vraiment aller de l'avant parce que c'est une technologie qui va vraiment, vraiment être zéro émission. Là. C'est de l'eau qui sort au bout. Là. Il y avait une pub, je pense que c'était Ford F-150. On disait, à l'avenir, dans le futur, avec les moteurs à hydrogène, tu vas pouvoir faire Montréal, Gaspé, puis prendre un bain avec l'eau qui va sortir de ton moteur. Puis, tu avais bel et bien un gars qui était en train de prendre un bain dans la cabine, dans la boîte de son pick-up. On n'est pas rendu encore, mais ça s'en vient. Ça va avoir pris du temps, mais on va s'y rendre. Mais là, un coup que la technologie est là, faut pas oublier que ça prend bon des stations pour remplir, puis ces choses-là. Là, donc, C'est un peu comme les voitures électriques. Les voitures électriques commencent à prendre leur place, sauf que ça prend des bornes de recharge. Donc, c'est un peu toute l'infrastructure alentour des autos que ça va prendre aussi, là, mais ça va un peu comme la voiture électrique, à un moment donné, quand il va en avoir assez sur le marché, ça va prendre sa place, puis ça va se placer. Oui, vraiment. Subaru qui se lance dans la voiture hybride, c'était comme le temps, là. Oui, ben Subaru qui en parle depuis environ 18 mois, là, il disait qu'il voulait sortir une voiture avec leur propre système hybride, donc un système développé chez Subaru. Donc ça devrait, là, c'est des rumeurs, ça devrait être présenté au Salon de New York au mois d'avril. Ce qui fait dire aux gens que Subaru va le présenter là, c'est que là, 18 mois, Subaru disait que d'ici 2013, on voulait être dans le marché de la voiture hybride. Ben 2013, parce qu'on est dedans, là. Donc, c'est maintenant ou jamais, ou leur promesse de dire, bon, ben d'ici 2013, ça va peut-être aller 2014, mais les rumeurs sont fortes qu'on devrait voir ça arriver au salon de New York qui va être au mois d'avril. Donc, ça devrait être assez intéressant. Ouais. Et Kia, il va d'un stand publicitaire dans le cadre du salon de Chicago. On s'associe avec DC Comics. Oui, Kia, c'est pas la première fois qu'ils font ça. Si vous cherchez un peu sur Google, cherchez Kia puis Justice League, vous allez voir Justice League qui est une bande dessinée qui comporte plusieurs super-héros comme Batman, Superman, Green Lantern et le Flash. Il y en a d'autres aussi, là, mais c'est les principaux. Donc, Kia qui s'est inspiré de Justice League pour créer des voitures. Donc, au salon de Chicago, on va avoir une nouvelle version. Kia qui a déjà sorti une Soul à l'effigie de Green Lantern, une Optima à l'effigie de Batman, puis une Forte Coupe à l'effigie de Flash. Donc, pas Flash McQueen, on parle de Flash de DC, le petit gars qui court vite. Donc, les voitures ont toutes été développées pour venir en aide à la fondation We Can Be Heroes de DC Entertainment. C'est une fondation qui vient en aide aux femmes, aux enfants, puis aux familles qui sont affectées par la famine en Afrique. Puis, la version qu'ils vont nous présenter au Salon de l'Auto de Chicago, c'est une version inspirée de Superman. Donc, présentement, si vous cherchez sur les internets, vous allez voir, il y a quelques petites images pour nous mettre l'eau à la bouche, mais l'auto, la vraie auto va être annoncée ou va être ils vont la mettre au Salon de l'Auto de Chicago pour qu'on puisse la voir. Bon, ben écoute, on va surveiller ça. Merci beaucoup, Luc. C'est ce qui fait le tour pour cette semaine. On se reparle jeudi prochain. OK, merci. Salut. Bye tout le monde. C'était Luc Desormeaux du podcast Auto. Vous pouvez suivre lui et son équipe qui s'amuse et qui surveille l'actualité automobile, qui ont bien du fun par rapport à ça et qui vous en parle avec passion. Alors, c'est tout pour cette compilation de chroniques automobiles. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté. Ne manquez pas le podcast auto qui est disponible aussi sur iTunes et sur le www.podcastauto.ca. Vous allez pouvoir trouver aussi toutes les autres chroniques radio que j'ai fait avec Jean-Benoît et les essais routiers vidéo qui ont été faits au courant de l'année passée. Bientôt, là, d'ici la fin du mois de mars, début du mois d'avril, on devrait recommencer des essais routiers, donc avec des voitures pour créer de nouvelles vidéos. Donc, d'ici ce temps-là, je vous dis merci encore de nous suivre et à la prochaine.